Toujours à l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les cérémonies ont eu lieu à l'Association générale des Coréens en Chine et à ses organisations affiliées. Cérémonie de remise d'une corbeille de fleurs devant la statue en bronze du président Kim Il-sung érigée au lycée Yuen de Jilin et rendez-vous de souvenirs. Y ont pris part les permanents et membres de l'Association générale des Coréens en Chine, le consul général coréen et ses collaborateurs à Shenyang, les cadres du gouvernement populaire de la ville de Jilin et autres personnalités chinoises. Au rendez-vous de souvenirs, on a adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un. Par ailleurs, les cadres et les compatriotes de l'Association du district central et méridional de l'Association générale des Coréens en Chine ont déposé une corbeille de fleurs devant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il à l'ambassade coréenne en Chine avant de rendre hommage. Les permanents de l'Association des jeunes coréens en Chine ont visité la filiale de Dandong du consulat général coréen à Shenyang de Chine et déposé une corbeille de fleurs devant les portraits en sourire des grands leaders avant de formuler leur hommage.